et vos conneries, vous me faites tous gaulerie. Ils veulent tous contrôler Paris, mais à quel prix? Tu vas te manger une bastos dans le crâne, Saint-Grad City. Cric, cric, pas, pas, si t'as peur, viens pas, armé, je le suis. Ok, j'suis trop haut, j'suis trop loin, j'mets les gaz en Merco Benz. Fuck les gens, gendarmes, ils ont mis mon pote au Heps. Beaucoup rap avec du plomb dans les fesses. C'est la banlieue, banlieue nord, la Val du Val d'Oise. J'viens larguer les putains grosses et les poucaves. Ma devise est très très simple, tire ou tire-toi, on tire en rafale. Quand on aime, on compte pas. J'ai un 6 coups chargé au moindre faux pas. Assez de vodka dans le crâne, de thunes, de putes, de crapules dans mon répertoire. C'est les mecs du 9-4 et les mecs du 9-5. On a la dalle, remplis nos assiettes sains. Tu te la racontes gros, nous on reste un. Mais y'a pas que les arts, s'il faut se faire entendre par les flingues. C'est les mecs du 9-4 et les mecs du 9-5. On a la dalle, remplis nos assiettes sains. Tu te la racontes gros, nous on reste un. Mais y'a pas que les arts, s'il faut se faire entendre par les flingues. La rue n'est pas un rêve, plutôt un vrai cauchemar. J'ai la rime qui touchait pas le zar, et ça c'est pas par hasard. Psycho MC la North Side, c'est pour la paire de couilles qui nous ment. On veut des chars, les hélicos, des grenades et 2-3 temps. Fais pas d'affaires si t'assumes pas, ne braque pas si tu tires pas. Notre fierté on la lâche pas, calibré on s'en fait pas. On se rabise, où tout le monde veut le bif. Que les vieux rappeurs se rabient, nous on a signé à vie. J'en vois beaucoup qui font les stars, mais je vois très peu d'Oscars sur le parking de la gloire. C'est la North Side qui se gare sur l'autoroute du Beurat. Je me fais souvent flasher, mais ils peuvent me stopper et encore moi m'arrêter. Tu demandes si RAMB compte allumer. Ma prends tes couilles, viens faire le hoche. T'inquiète, tu seras certifié. On a le dernier 6 coups pour te toucher coûte que coûte. Et j'ai pas proposé des feats, fous les 6 coups à tous les coups. Yeah, les mecs du 9-4 et les mecs du 9-5. On a la dalle, remplis nos assiettes sains. Tu te la racontes gros, nous on reste un. Mais y'a pas que les arts, s'il faut se faire entendre par les flingues. C'est les mecs du 9-4 et les mecs du 9-5. On a la dalle, remplis nos assiettes sains. Tu te la racontes gros, nous on reste un. Mais y'a pas que les arts, s'il faut se faire entendre par les. Ça sent l'arrivée de l'artiste, car faut changer la donne. Ça sent la débrouillardise dans mon premier album, poto. Ça sent le lissant, ciment. Ils savent pertinemment que mon niveau c'est suivant. Ça sent le boycottage. Pour passer aux radios, faut faire une prise d'otage. Tu sens que la vérité l'emporte sur la foutaise. Tout ce temps, qu'est-ce que tu foutais? J'écrivais dans la fournaise. Comprends que je brûle de rage. Le rap m'a volé presque la moitié de mon âge. C'est barge, mais j'essaie pas de sensibiliser qui que ce soit. Pour que je me défoule, va falloir que je mette un kick ce soir. Car j'ai les couilles de la vengeance. Même si t'es sur la tangente, le passé viendra effacer le succès qui t'enchante. 9, 4, 5, bon lézard simple. Y'a pas de lézard s'il faut se faire entendre par les. C'est les mecs du 9-4 et les mecs du 9-5. On a la dalle, remplis nos assiettes sains. Tu te la racontes gros, nous on reste un. Mais y'a pas que les arts, s'il faut se faire entendre par les flingues. C'est les mecs du 9-4 et les mecs du 9-5. On a la dalle, remplis nos assiettes sains. Tu te la racontes gros, nous on reste un. Mais y'a pas que les arts, s'il faut se faire entendre par les flingues.